seen things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. C'est quoi ce bordel? Now! Ok, les braves gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute me carefully! La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Bonjour à tous, bienvenue dans Brawlcast. Ce soir, je suis accompagné de Bilka, le magnifique, le puissant. Mais je sais. Et Dave, l'agile, le frêle, le beau. Le... ingénieur son. Salut à tous. Et du coup, ce soir, on va parler de un petit sujet tranquille, en mode détente. Nos films de Noël, ceux qu'on aime. Et puisque c'est encore l'hiver. Hein, et on va parler ensuite des deux grosses sorties qui, dernièrement, surtout en décembre, c'est Rogue One et Assassin's Creed. On va commencer par Assassin's Creed. Et finalement, Bilka va nous faire un petit exposé sur son ami Valérian. Qui est oui. Alors, tout de suite, les news. Mais oui, c'est clair. Terence, vous voulez commencer avec un truc sur Electro Deluxe? Ouais, alors je sais pas ceux qui connaissent le groupe Electro Deluxe. Moi. Alors j'ai été les voir en concert à l'Observatoire de Cergy il y a pas très longtemps et c'était absolument incroyable. Franchement, des artistes de haut niveau. Et des hommes nus. Non, il n'y en avait pas. Comment? Il n'y avait pas d'hommes nus. Non, t'inquiète pas. Ah, dommage. Et du coup, moi, c'est le prochain jeu de ZQM Company. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui ont fait Journey. Et du coup, ça faisait pour moi une éternité. Ça fait 4 ans, mais pourtant, ça paraît très très long pour moi. J'attendais vraiment leur prochain jeu. Surtout que leur partenariat avec Sony est fini. Du coup, pour expliquer simplement à Bilka, c'est un jeu indépendant vraiment très émouvant, très joli. Mmh. Et ils en ont fait plusieurs et qui sont considérés comme des œuvres d'art à part entière, exposées même au MoMA, pour te dire. Et du coup, j'ai appris dans le magazine JV qu'ils avaient eu beaucoup de soucis financiers, ce que je comprends pas trop, mais bon... c'est parce que Journey a eu du succès et du coup il y a une partie de l'équipe qui a dû se séparer. C'est peut-être ça qui explique le fait que Abzu soit sorti. C'est la crise. Ouais, parce que c'est le studio qui l'a fait. Abzu, c'est Giant Squid. C'est celui qui a fait Abzu. Enfin, non, c'est le directeur artistique, pardon, de Journey, Matt Nava. Voilà, je me souvenais plus son nom. Et du coup, il y a juste 3 images sur leur site qui c'est très joli. Je trouve que celle du milieu, en fait, me rappelle énormément le gros nuage qu'il y a dans l'affiche de Du Vent se lève de Miyazaki. Et du coup, bah, ça me fait rêver, vraiment. Ça c'est me beau. Donne vraiment c'est beau. Envie. Tu m'as donné envie, là. C'est beau. Bah, c'est très joli. Tu as un message sur lequel ils expliquent que ce sera un jeu basé sur le partage, le don et tout. Et du coup, entre les joueurs. Sachant que c'est des expériences multijoueurs assez... Enfin, dans Journey, il y avait une expérience multijoueur assez sympa où tu ne savais pas qui jouait avec toi et le seul moyen de communiquer avec lui, c'était des petits... des petits signes, en fait, des petits bruits, des voilà. Sons, ouais, c'était... Voilà, seulement c'était des petits cool. Sons, quoi. Comme ça ? Non, mais t'avais des sons, oui, genre... Oui, et puis des chars d'assaut, voilà. Vraiment, très mélodieux, voilà. Bilka, tu voulais nous parler d'un petit truc ? Oui, bah, comme l'émission d'aujourd'hui traitera de Rogue One, un spin-off de Star Wars, c'est pas une... Oui, c'est une news, mais c'est aussi un hommage à Carrie Fisher, qui nous a quittés derrière moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'actrice qui jouait la princesse Leia dans la première saga, qu'on a vu dans l'épisode 7 qui est sorti en décembre 2015 et qui nous a quittés en décembre 2016, quand Rogue One est sorti sur nos écrans. Et moi, je me souviens aussi de son rôle dans Blues Brothers. Oui, ça m'avait marqué. L'ex-fiancée qui veut buter son ex. Au bazooka, quoi. Au bazooka, au lance-flammes. Tout ce que tu veux, quoi. Excellent. Voilà. Et aussi, petite parenthèse, Disney a touché 50 millions de primes d'assurance pour sa mort. Voilà, c'est tout. Le point enculé, c'est les enfoirés. Non, mais... Je veux tous vous fumer. Oui. Meurs. Oh putain, mais c'est horrible, 50 millions. Enfin, on sait pas les clauses, les machins, mais... Ouais. Moi, j'ai bien aimé la nouvelle chanson London Grammar. Rooting for You, ça faisait 3 ans qu'ils étaient absents. Je pense 2 pour les Français, puisqu'ils les ont pris en retard. C'est juste parce qu'il y a eu une pub sur le parfum avec une chanson 2. Et là, je vais passer un petit extrait. Et vas-y, balance. Oh, where did she go? Truth left us long ago. Je trouve cette chanson un peu plus dark que le précédent album, qui avait quand même une sonorité assez chaleureuse, un peu à l'image de la pochette de l'album. D'accord. Il y avait vraiment une certaine douceur et tout. Et là, c'est un truc un peu plus dark, un peu plus... Enfin, je veux dire, sombre même dans les paroles. Par rapport à ce qu'il faisait avant aussi ? Ah oui, oui, bah, comme je viens de dire. Et la dernière news, pour moi, c'est un truc un peu... Je laissais en dernier, c'est que Tracer, vous voyez Overwatch... Encore Overwatch, mais... Ah, c'est le truc, ouais. Voilà, c'est je sais Overwatch que vous êtes très fan. Et du coup, il y a un lore, donc une histoire autour du jeu qui est assez développée par Blizzard. Et dernièrement, en fait, le comics qui est sorti sur Noël, en fait, les personnages qui évoluent dans les fêtes et tout, eh bien, Tracer, le personnage principal du jeu, pratiquement, eh bien, quand elle rentre avec ses cadeaux, elle retrouve sa copine qu'elle embrasse. Et donc, le personnage principal d'un jeu triple A, d'un jeu Blizzard, donc le personnage qui se retrouve sur la pochette du jeu, à l'ouverture du menu, qui se retrouve dans les menus du jeu, enfin, est gay. Et... C'est une honte. C'est une honte. Mais c'est le démon. Mais c'est le démon. Cette maladie infâme qui n'est pas... C'est le... Bien sûr, Milka rigole, mais c'est... Non, je suis très sérieux. En fait, du coup, il y a certains qui disent que c'est génial. Ouh, c'est vraiment ouf, cool ouais. Parce que c'est une personnalité homosexuelle qui est dans un jeu, qui est mise en avant, vraiment, elle est sur la pochette, elle est partout. Et c'est génial, parce que bah, du coup, ça fait évoluer la cause. Et d'autres qui disent que justement, ça fait l'effet inverse, c'est qu'en voulant la mettre trop en avant... Ça annule un peu cet effet, c'est que bah oui non mais pas besoin de la mettre autant en effet, c'est un peu comme enfin mettre dans un film un black juste parce qu'il est black. Ben non, tu le mets parce que c'est un être humain, pas parce que c'est la comparaison. Mais non, mais dans les films, malheureusement, ça arrive. Il y a des gens qui mettent des rôles juste parce que c'est comme ça. Enfin, ou des, par exemple, dans Transformers, des Chinois, parce que ils vont mettre des Chinois. Juste parce que ce sera des Chinois, juste pour toucher le public chinois et vendre plus de tickets. Ouais. Quoi. Mais votre avis sur la question Bon, rapidement, Bill Cage, c'est... Non, personnellement, j'en ai un foot, hein, ouais. Qu'aiment les mecs ou les meufs. De toute façon, en plus, le truc que tu dis, c'est pas un truc du jeu, c'est un petit truc en plus. Alors... Bah, c'est un comics, mais comme ça fait partie intégrante, en fait, de l'histoire du jeu, et que l'histoire du jeu permet vraiment de s'identifier aux personnages. Ouais. T'as des personnages qui ont tous un peu leur particularité, c'est intéressant. Ouais. Bah, là, ça permet à des jeunes femmes, des jeunes joueuses qui... se questionnent sur leur sexualité ou sont très mal à l'aise ou quoi, d'avoir une image positive de leur sexualité dans un jeu vidéo. Et moi, personnellement, je trouve ça génial. Voilà. Moi, personnellement, je m'en fous. Parce que évidemment, on s'en fout. Je sais pas, c'est un jeu de combat, Overwatch, non ? C'est un jeu de combat, oui. C'est un jeu de combat, on s'en fout de comment elle embrasse, du moment qu'elle bute des gens. Ouais, mais on se rend compte que le jeu vidéo, comme d'autres médias, peut de plus en plus faire passer des idées. Et on voit ça de plus en plus. Il y avait un jeu sur la révolution iranienne dans les années 70. Par exemple, il y a plein de jeux qui, au fur et à mesure, peuvent faire passer des idées. Donc je trouve ça personnellement chouette. Abe, toi, t'as une idée là-dessus ? Non, Bah, ça me choque pas plus que ça. C'est bien. Non, mais on s'en fout. Je veux dire, ça n'a pas trop d'importance, moi, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa de pouvoir faire passer des messages comme ça. Oui. Par oui, un c'est jeu, quoi. Parce qu'en plus, j'imagine que le public... bah assez jeune pour Overwatch, ouais. Enfin, je sais pas exactement. Ça va avec l'évolution du jeu, quoi. Mmh. C'est... Donc tout de suite, on va passer à une ambiance beaucoup plus hivernale avec ouais. Fleet Foxes. I was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. Alors là, moi, je suis dans la neige, je suis avec le feu de bois et tout. Alors, je peux dire que cette chanson est très immersive, mais moi, je suis dans mon salon en train de regarder un film de Noël et il y a des cons devant ma porte qui chantent « Eh bien, quittez-vous !» Je les caillasse avec des œufs bas. Alors, c'est parti pour notre petit palmarès. Christmas, it's a waste of fucking time. Fuck Santa, he's just out to get your dime. Fuck Holly and fuck Ivy and fuck all that mistletoe. White bearded big fat bastards ringing bells wherever you go. And bloated men in shopping malls all going ho, ho, ho. It's fucking Christmas time again. Bilka, tu as le choix pour un film de Noël. Un film de Noël. Lequel choisis-tu? Alors, il y a un film que j'aime regarder en cette période de Noël, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Oh, quelle surprise! C'est du grand classique, hein, tout ce qu'on prend, mais... Oui. C'est mais un film réalisé par Chris Columbus. Parce que c'est en période de Noël. Tous les ans. Les deux premiers depuis films. Depuis 20 ans, hein. Même ouais. Si ça fait pas 20 ans qu'il est sorti, mais... Il y a eu 36 suites de ce film, mais moi je vais juste parler des deux premiers. Oui, ça se passe toujours à Noël, il est tout seul, il se démerde. Il profite de la période de Noël et il doit battre les méchants. Et il essaye de tuer des gens. Ouais. mais c'est des méchants, il le mérite. Il le mérite. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour parler de la chanson juste avant. C'était donc White Winter Email, je sais pas le prononcer, de Fleet Foxes. C'est un groupe de Seattle. C'est une chanson qui est sortie en 2008. Et si vous voulez une version encore plus mimi, mignonne, enfin, ça dépend des avis, il y a Birdie qui a fait une reprise dans son premier album. Donc, moi, je trouve que c'est une chanson très mignonne, enfantine, et avec un côté aussi dramatique, avec les paroles, si vous avez compris, je sais pas, mais c'est... Non, moi, je parle que le français. Ou à la fin, si je traduis, c'est tu vas... Un plateau espagnol. Un plateau. Si, c'est qui ? Non, ouais, c'est genre, tu vas tomber, rendre aussi rouge la neige que les fraises de l'été. Oh, c'est dégueulasse, mais c'est... Voilà, voilà, c'est pour ça, je trouve ça vraiment une chanson assez géniale. Alors, Abe, ton film de Noël ? Alors, moi, c'est The Grinch. The Grinch, c'est Jim Carrey, c'est ça ? Mr. Grinch. Non, c'est le réalisateur de Ron Howard. Oh putain, Ron Howard, le réalisateur de Willow, un de mes films préférés. Donc ce film avec ce petit personnage avec les poils ce verts petit. Là, c'est vraiment un super film qui m'a marqué. Horriblement effrayant pour moi quand j'étais petit. Il m'a fait flipper, mais en plus c'est tiré de livres d'enfants assez connus aux États-Unis. C'est assez sympa. Non, c'est mignon l'histoire. En fait, En fait, à la base, le personnage, c'est quelqu'un qui est exclu en fait par les autres. Ouais, parce qu'il est différent. Voilà, il est différent. Et du coup, il décide d'aller buter la gueule de tout le monde. Il décide d'aller s'exiler en fait, de partir comme un Cro-Magnon dans sa grotte tout seul. Il devient assez méchant, etc. Ouais. Et il est très triste et il cache cette tristesse derrière sa colère. C'est ça. Oh, mais bon, à la fin... C'est une petite fille qui va le sauver. Non, mais c'est pas la fin. Non, mais c'est connu, merde. Bah, alors, ben, moi, personnellement, c'est Edouard aux mains d'argent. Vraiment. J'adore ce film, il me fait pleurer. C'était un extrait, merci Lucas. Non, mais... Alors déjà, il n'y a même pas cette chanson. Je sais, mais c'est Daniel Elfman, c'est pas voilà, compliqué. Voilà, il y a Daniel Elfman. Et bien justement, il sait... n'empêche, t'as raison de faire cette petite mélodie. Mais c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de Tchaïkovski. Mais je sais. Qui a fait de... Et du coup, de Casse-Noisette. Pour cette BO, il trouve que c'est une de ses meilleures, des meilleures de sa carrière. Donc, j'adore ce film. Bien sûr. En plus, c'est dans un mode d'argent, on peut le simuler avec Casse-Noisette. Hein. Casse-Noisette qui est en morceaux, il lui manque une jambe par rapport aux autres soldats. Et lui, il est pas complet, il lui manque des trucs à Edouard. Je n'avais jamais vu cette comparaison, parce que je ne connais pas, je ne me rappelle plus du tout l'histoire de Casse-Noisette. Casse-Noisette, c'est un soldat de plomb, est en... Ouais, voilà. Enfin, tout le monde le connaît, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup aller voir ça à un opéra un jour. Du coup, j'aimerais ajouter aussi, si vous aimez les concerts, si vous aimez Florence and the Machine, vous pouvez mettre le MTV Unplugged. Vraiment, c'est très très joli. Et ça va très bien avec Noël, je trouve qu'il y a une ambiance très... presque cathédrale, très messe de minuit ou je sais pas. Et en plus, je crois que le MTV Unplugged, c'est de l'acoustique. C'est que de l'acoustique. Et effectivement, ils ont fait des concerts de fou, quoi. C'est un groupe, ça ? En fait, c'est une salle de concert absolument incroyable qui est fait pour l'acoustique, pour les concerts acoustiques, en fait. D'accord. Mais du tout. MTV, c'est la chaîne de TV. Oui, MTV. Et simplement, le MTV Unplugged, c'est pas une salle, c'est le fait de faire un concert sans électricité, enfin que s'il y a de l'électricité. Bah non mais pour les lumières, avec merde. Des chevaux, avec des mormons. Non, c'est que c'est anglais que à l'acoustique, et du coup pour Florence il y avait du gospel, évidemment il y a les harpes, le piano et d'accord. Super beau. Et des petites chansons bonus avec des featurings. D'accord. Tout de suite, moi je vais vous passer la dernière chanson de Lake Lee, de son groupe Live. Oh yeah. We'll be right back. Suédois américain avec Likely Andrew Wyatt, Pontus Winberg, de Mike Snow, que j'aime beaucoup. Il y a aussi Bjorn Hitling, et qui vient de Peter Bjorn et John. Voilà. Ah bon, il a pas de nom. C'est Peter Bjorn and John. C'est le groupe, c'est le nom du groupe, pardon. Voilà. C'est le nom du groupe, ça. Ouais, oui. Et live en suédois, ça veut dire life. Voilà, enfin vie. Voilà. Waouh, ça ressemble pas du tout à l'anglais. Vous avez bien aimé? Ouais, c'était apaisant. Donc Wings of Love. Tout de suite, on passe à Assassin's Creed. Sorti le 21 décembre 2016, réalisé par Kurzel Justin. Il a réalisé Macbeth, tiens, l'année dernière. Oui. Oh, aussi avec Marion Michael Cotillard. Fassbender, Marion Cotillard. Oui. Donc il y a aussi Jeremy Irons, Joseph Lynch, Charlotte Rampling et Ariane Labell. Donc là, on va passer la bande-annonce. Où suis-je? Hier soir, à 18h, vous avez été exécuté et déclaré mort. Vous n'existez plus. C'est quoi cette prison? Ce n'est pas une prison. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Que voulez-vous de moi? Votre passé. Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. Y'all better quit playing with God. Donc voilà comment mettre la joie dans votre bande-annonce. Mettez du Kanye West. Du Kanye West. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ouais. Votre passé. Et du coup, je résume rapidement. Ouais. Alors, donc il y a un jeune homme qui se fait capturer, voilà, par une société secrète qui s'appelle les Templiers. Ensuite, on le force à rentrer dans l'Animus, un truc qui permet de visiter le passé de ses ancêtres. Alors on sait pas trop bien s'il contrôle ses ancêtres ou pas comme dans le jeu, mais en tout cas il a du coup doit retrouver une pomme d'Adam qui permettrait aux Templiers de faire des choses pas très gentilles, notamment de contrôler le monde. Du coup il y a Michael Fassbender et je vais faire un petit tour de table pour vous demander votre avis. On va commencer par Abe. Ah bah en fait ce que je dois dire sur le film, c'est que si on n'a pas joué aux jeux vidéo, je pense qu'il est un peu compliqué de comprendre le scénario du film, en fait. Mais est-ce que t'as aimé? Je dirais, j'ai plutôt aimé, oui. Dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Ouais, donc bonne scène d'action, mais par contre, je trouve que le film, il reproduit pas bien le jeu, en fait. C'est pas fidèle au jeu, quoi. À part les scènes d'action, sinon le scénario est... Enfin, ça part n'importe comment, c'est brouillon, quoi. Ça, en tout cas, ça reste plutôt fidèle, hein. Mais du coup, mon avis, c'est que j'aime bien. J'ai été très surpris, agréablement surpris. Je pensais m'ennuyer un peu, malheureusement, comme devant Warcraft, qui est aussi une adaptation de jeu vidéo. Et finalement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai surtout aimé les scènes d'action. Le blabla... je pouvais l'enlever parce que ça m'a fait chier. Bon, contrebalancer tout ça, on va écouter l'avis de Bilka. Écoutez, moi j'ai un avis très simplement, c'était de la merde. De la merde, du concentré de merde, sans déconner. Alors, je n'ai pas joué au jeu Assassin's Creed, mais j'y suis allé avec mon meilleur ami qui connaît parfaitement les jeux. Du coup, je suis au courant de l'histoire, tout le bordel avec la pomme de mes fesses et je sais pas quoi. Et tout simplement, juste une chose que tous les joueurs d'Assassin's Creed me diront merci, l'histoire se passe trop dans le présent. Il y a du blabla inutile. Je suis d'accord. Ils auraient, et les flashbacks dans le passé, c'est que du fight. Mmh, à part au début, tout début du film, on voit son ancêtre Aguilar qui prête serment. C'est immersif dans l'époque. Ils auraient pu faire des flashs dans le passé, quand il retourne dans le passé de son ancêtre, où pas forcément il se bat, mais on voit le monde ou quoi. Au moins où ils expliquent ce qui se passe. Parce que, en fait, c'est genre, t'arrives là, genre, on doit niquer cela. Je sais pas pourquoi, mais enfin, il y a toujours de la baston et on est même pas où on est situé, ni pourquoi. Mais ni... oui. Voilà, si, ils doivent récupérer la pomme. Oui, mais ça, on le sait qu'à la fin, quoi. Mais non, c'est parce que ils sont au sud de l'Espagne. Ils kidnappent le fils du sultan pour permettre de faire du chantage. Oui, parce que le sultan a la pomme des deux. Voilà, pour récupérer la pomme, c'est tout. Oui, c'est tout simple, mais deuxième, c'est vrai que le deuxième flashback, ils sont en prison, on ne sait pas comment ou pourquoi, et ils vont se faire cramer sur un bûcher. Ça aurait été... Enfin, je dis ça parce que j'ai pas aimé que je cherche des détails pour descendre le film, mais je trouve que... Cherche ouais. Non, mais d'un intelligent, je vais pas dire « Ouais, j'aime pas machin », et finalement, ouais, mais on s'en fout. Mais il y a, je crois, 30 minutes de d'outtakes, de prise en plus... Peut-être qu'il y aura une version longue qui sera, j'espère, oui, il y a une version longue, plus ouais, dans, enfin, qui se déroulera plus dans l'époque. Et ça se voit qu'il y a une version longue parce qu'il y a un moment, il y a des raccords, enfin, je sais pas, il manque donc, quelque chose. Bilka, toi, t'as pas joué au jeu. Abe, t'as joué au jeu ? Oui, moi, j'ai fait le jeu. J'ai fait le premier, en tout cas. Le premier, en tout cas, ouais. Moi, le jeu est vraiment excellent, quoi. Le scénario est quand même assez balèze, quoi. Bah en tout cas, pour l'époque, c'était un truc assez stylé premier abord. Après, c'est un peu répétitif pour moi, mais j'ai bien aimé. J'ai fait le 1, j'ai beaucoup joué au multi de Brotherhood, et après, j'ai fait aussi l'épisode sur PSP que j'ai bien aimé. Je crois que je suis le seul avec trois gars qui a aimé ça. Votre avis sur le casting ? Déjà, Michael Fassbender, pour commencer. Ah non, mais je voulais commencer par Marion Cotillard. Bon, ouais, on va commencer par Marion. Non, Michael Fassbender, si vous voulez, comme vous voulez. Marion. Vas-y, alors. Marion. Bah, en fait, voilà, en fait, elle est là, mais elle n'est pas là. En fait, elle regarde les gens, elle dit deux, trois trucs, et puis elle n'a aucune expression. Voilà. Merci, Marion. Bah, elle galère peut-être à traduire. Je sais pas, elle parle anglais. Moi, je trouve que c'était pas si mal, que c'était mieux que dans Batman, je trouve. Ce qui est déjà pas forcément un ultra compliment, mais dans les productions américaines, je trouve qu'elles s'en sortent pas trop bien. Celle où je l'ai préférée, c'est dans Inception. Ouais, je trouvais qu'elle était bien dans Inception et qu'il n'y avait pas forcément besoin de ultra bien parler en anglais. Elle était bien en office de rêve, pas trop présente. Je trouve que dans Batman, mis à part sa mort pourrie, je trouve qu'elle est mieux dans Batman. Dans Assassin's Creed, elle n'est pas là. Elle est vraiment pas là. C'est la poupée. Inexpressive. Elle est toute mignonne, elle est toute jolie. Elle a son tailleur, son costume, son parfum, son maquillage, L'Oréal, tout va bien. Elle aura sa prime à la fin du truc. Mais elle n'est pas là. Elle est là et je l'ai vue en VF, je sais pas vous. Elle ne sait pas se doubler elle-même. J'ai vu en anglais, moi. Je l'ai vue en anglais aussi. Sous-titré espagnol. Et j'ai rien compris, d'ailleurs. Il y a des trucs que j'ai pas compris. Elle sait pas se doubler elle-même. Et moi, j'étais au cinéma. Je suis allé voir au cinéma le jour de sa sortie. La salle était blindée. Quand on l'a entendu parler pour la première fois, je suis allé le voir dans le 93. Il y avait un mec derrière moi qui a gueulé, deux points ouvrés les guillemets. Wesh! Elle sait pas parler! Mais alors, du coup, on résume aussi en même temps le film, c'est que Michael Fassbender se fait capturer, se fait mettre à mort, et quand il se réveille, il est donc chez les Templiers, chez Abstergo, et quand il se réveille, boum, Marion Cotillard dans ta face. C'est ça. Et perso, moi j'aurais plus vu en fait Rosamund Pike. Je sais pas si vous voyez, c'est l'actrice qui joue dans Gone Girl. Tu vois, belle, toute gentille et tout. Ouais. Bah, elle est mignonne, elle est vraiment en mode toute sage. Et ça m'aurait, comme dans Gone Girl, ça aurait été génial. Je trouve que tu es cet esprit de, tu sais pas si elle est sympa ou pas. Là, c'est direct capté qu'elle est du bon côté et qu'elle se fait un petit peu manipuler, tu vois. Oui, clairement par son père. C'est ça, c'est son père, non? Oui, c'est son père. Par contre, je sais pas si on peut, je sais pas si on peut parler de la fin. Enfin, on va peut-être y venir petit à petit, non? On en parlera après. Déjà, on peut-être résumer. Non, mais on continue à résumer en même temps. Mais Michael Fassbender, du coup, Bilka, toi, t'aimes bien. Abe. J'adore. Moi, je trouve qu'il était plutôt bien comme acteur. Non, ouais, il est, en plus, il est assez carré et tout. Bien balèze, le gars, quoi. Ah, il s'est beaucoup entraîné. Hein. Ah, ouais, non, ça se voit qu'il est. Il fait pas mal de ses cascades tout seul. Et en plus, c'est lui qui a produit le film. Enfin. Personnes qui a produit le film, et il a joué un peu au jeu, mais je pense qu'il est pas trop fan, je sais pas, mais en tout cas il s'intéressait plus au mouvement du personnage. J'adore Michael Fassbender, je trouve que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Par contre, je l'ai trouvé décevant dans ce film. C'est pas pour descendre le film encore parce que j'ai pas aimé, mais honnêtement, la scène, c'est pas du spoil, hein. La scène où en fait il fait 3 voyages dans l'Animus. Et le deuxième... L'animus. Et le deuxième, il est forcé, en fait. Les gardes le forcent. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Parfois, t'as la direction d'acteur aussi qui rentre en jeu, mais je trouve que Michael Fassbender, c'est un acteur incroyable dans Fish Tank, dans 12 Years a Slave, dans... Même dans X-Men Le Commencement, X-Men, génial. Je trouve, aussi, il a un charisme de malade. Et je pense que c'est dans son contrat... Il est obligé d'être torse nu à un moment. C'est grave. C'est obligé. Ouais. C'est tellement fort. Le, film, en fait. le dernier voyage, il enlève son t-shirt en mode « Ah, regardez mes tablettes !» J'ai eu un cours de scénario, pour l'anecdote, avec une prof qui faisait pause dans Fish Tank sur le moment où il sort en torse nu avec « Eh, les filles, on se le refait ! Ouais, ouais, allez, on se le refait hein, !» Elle s'est passée 3 fois la scène et toutes les filles étaient là. Ah, Michael. Enfin, un roux digne de ce nom. Alors... Abe a parlé un peu des scènes d'action et je trouve que c'est un des gros points forts de ce film. Ah ouais, franchement, c'est super fluide. Ça t'a impressionné? Ouais, franchement, et puis surtout l'univers, quoi. Ils ont vraiment reproduit. Bon, il doit y avoir énormément d'images de synthèse, mais. Justement, ils ont mis beaucoup l'accent sur le fait qu'il n'y en avait pas beaucoup et. Dans les behind the scene et tout, dans les, dans les scènes qui montrent, il y a vraiment beaucoup de réalisme, enfin beaucoup de réel, pas beaucoup d'images. Ouais, c'est pour ça alors, parce que ça. Par exemple, la scène d'ouverture où Aguilare, le héros dans l'Animus, et ses potes vont essayer de sauver donc le fils du sultan, t'as après une scène de poursuite avec 2 calèches. C'est super impressionnant, je trouve. Et tu vois qu'il y a des vrais cascadeurs avec des chevaux et de l'entraînement. Les scènes d'action sont vraiment très très très bonnes et très bien mises en scène. Mais c'est juste que je sais que la majorité des fans attendaient le côté immersif du flashback dans le passé. Ouais. Et là, malheureusement, le seul flashback dans le passé, on est directement dans l'action. Ah, l'action. Du coup... C'est ce qui arrive souvent dans le jeu, hein. Enfin, même si... Oui, mais je veux dire, les petits trucs qui font que c'est vraiment vivant, tu sais, genre juste... Pas juste ils se baladent, mais... Mmh. Voilà, les moments de parlotte dans le passé. Oui, bah en fait, justement, dans le jeu, en fait, au début, quand on nous met dans la machine, l'Animus, là... Et ben c'est progressif en fait, il apprend à découvrir comment contrôler entre guillemets son ancêtre en fait, alors que là dans le film non, pas du tout quoi. Oh, mais qui voilà, mais qui passait par là dans la rue et qui qu'on a vu apparaître magiquement? Mais là, c'est Res Didi qui est à la bourre. Oui, voilà, c'est moi. J'ai vu de la lumière, j'ai senti à manger, je suis rentrée. Ah bah. Le parfum de Mika. C'est pas étonnant. On enchaîne direct. En fait, on parlait des cascades. Ben Cook, c'est lui qui a supervisé les cascades. Il a travaillé énormément. Je trouve les cascades très nulles, très brouillons. Pour du parcours, c'est très mal fait. Les méchants, les gentils, tout le monde est en noir. On ne sait pas qui est qui. C'était nul. La France. Non, mais parce que je suis très fan. En fait, le gars qui a inventé le parcours, c'est un Français. Oui. On le voit. Il a été employé par Luc Besson. Ouais. Dans Banlieue 13. Et là, tu vois la différence quand tu regardes les scènes de parcours dans Banlieue 13 avec... c'est quoi le nom de l'étau dedans? David Bell. Voilà, David Bell. Et là, lui et ses cousins qui ont inventé le parcours. Magassi. Et quand tu vois ça, c'est très brouillon dans Assassin's Creed. Moi, je m'attendais à tellement mieux parce que dans le jeu, c'est tellement fluide. Mais Didi, c'est comme une politicienne, elle coupe la parole. Non, je ne suis pas d'accord. Oui. Tu m'as dit, faut aller vite. Mais le montage, vous en pensez quoi? Parce que je le trouve assez épileptique au début, et après, c'est ça se calme. Trop d'aller-retour à présent, passé, et franchement, j'ai pas réussi à m'ancrer dans l'histoire, j'ai pas réussi à, genre, m'attacher au personnage. Il y avait trop. Non, trop brouillon pour moi. Franchement, c'est, ouais, le c'est un brouillon de c'est ouf. C'est un brouillon. Quoi. Voilà. Franchement. Parce que tu vois, ce qu'il y a de bien dans le jeu vidéo, c'est qu'en fait, tu peux rester. Enfin, tu t'attaches aux personnes. Au personnage avec lequel tu joues, tu vois, son histoire passée. T'es là, t'es avec lui et tu apprends à le découvrir dans son passé. Et finalement, les allers-retours, ça m'a cassé en fait dans. Donc on est tous d'accord que le passé est plutôt délaissé. Par contre, il y a un effet, je trouve, qui est bien retranscrit et qui est dans le jeu, notamment surtout dans les derniers de la trilogie d'Ezio, c'est l'effet de transfert. C'est-à-dire qu'il commence à voir son ancêtre dans la réalité. Et là, pour le coup, je trouve assez bien fait. Après, l'Animus, différent. Ils ont complètement changé. Ouais. Mais explique, Abe. En fait, l'Animus, en fait, il est donc on lui met un truc un peu comme dans la Matrice, le cou pour se connecter à son système nerveux. Et puis il a un truc au niveau de la ceinture, en fait, comme un bras mécanique, en fait, qui le fait en fait simuler la gravité un peu des mouvements qu'il fait quand il est connecté. Par exemple, quand il grimpe, et l'Animus le fait monter en fait, et quand il saute, pareil, ça leur descend, voilà, enfin. Donc tous les mouvements qu'il fait dans l'Animus sont reproduits dans la réalité. Moi, la question que je me pose, c'est, et s'il tombe? Mais c'est ce qui s'est passé à un moment. Il se prend le sol justement tout le temps, à un moment il s'est fait éclater la tronche sur le sol, il a failli crever du coup. Mais dans le jeu, c'est un lit un peu en mode IRM, et évidemment ça aurait été chiant de regarder un mec couché pendant 2 heures à la mode Avatar. Donc je trouve que c'est un bon choix. Au début, ça me gênait, et là je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix, mais en même temps, le truc du lit, je sais pas si ça vous fait pas penser, c'est comme, tu vois, tout se passe dans sa tête, c'est son ancêtre, c'est son ADN, et le lit, ça fait penser un peu au psychologue, t'es allongé, et là tu rentres vraiment en fait. C'est l'effet dans voulu dans le 1, et il y a un petit côté peut-être Avatar, mais je trouve que cinématiquement c'est un peu mieux. Mais une autre question, c'est que. Là, il évolue dans la Matrix, enfin dans l'Animus. Il voit tout ce que son ancêtre voit. Mais comment les scientifiques et tout, ils voient ce qui se passe? À un moment, il y a comme un effet d'hologramme. Eux, ils les voient en hologramme. C'est des hologrammes, en fait. Quand il démarre l'Animus pour la première fois, on voit des projecteurs partout dans la salle de l'Animus. Et c'est des hologrammes, en fait. Mais tu vois, ça, moi, je pensais que c'était un indice pour le spectateur et pas pour les gens qui travaillent à Abstergo. Je croyais que c'était pour nous aider, nous, à mieux assimiler ce truc du bras et le voir dans le présent, et en même temps, il est dans le passé. Ouais, mais c'est aussi peut-être à cause de ce bras de merde qu'on n'est pas assez dans le passé, en fait. On est trop attaché au présent et on fait des allers-retours passé-présent. Parce que, moi, je l'ai dit, mais je le redis, je trouve qu'on va passer dans le passé dans ce film. En tout cas, dans le présent, il y a un terme qui est abordé, qui est, je trouve, intéressant, c'est la question de la violence. Il l'aborde d'une façon, c'est que, pour résumer, dans le jeu, en fait, les Templiers et les Assassins ont un peu le même but, c'est-à-dire la paix, la non-violence. Enfin, c'est un peu bizarre, parce que les Assassins tuent, et en même temps, les Templiers, eux, veulent parvenir à ce moyen, à cette fin, par n'importe quel moyen, jusqu'à restreindre les libertés, finalement. Du coup, ils sont plutôt du parti de l'État, des manipulations et tout. Et les Assassins, c'est plus dans la liberté, dans vraiment dans la liberté, que la paix perdurera. C'est genre la droite et la gauche, tu vois. Je sais pas, c'est... Dans le jeu, on s'en fout. Dans le jeu, il n'y a pas vraiment de gentil, de méchant, que dans le film, c'est un peu plus manichéen, je trouve, mais là... Il y a aussi la question de la violence, de l'hérédité même de la violence. Et il l'aborde un peu en mode, c'est la génétique, c'est parce que ton ancêtre était violent que toi t'es violent. Normal. J'ai trouvé ça un peu choquant. Je trouve c'est que c'était un peu maladroit. C'est pas parce que t'as vu à 12 ans ta mère égorgée que t'es c'est pas du tout parce que tu as vu des trucs horribles, c'est vraiment parce que ton ancêtre, là... C'est ancré en toi, tu vois. Voilà. Ton ADN, ça te dicte, alors tu vas être gentil, parce que tu es gentil, et puis non, toi tu vas être méchant. C'est un peu comme Superman, vous savez, genre, dans leur ADN, ça se met... on dit, toi, tu vas faire tel ou tel truc. Ça m'a fait penser à ça dans Man of Steel, tu vois, genre c'est ancré dedans. La sélection de ce que tu vas faire. En gros, on va choisir ton métier dès le départ. Là, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est l'eugénisme, le mot que vous cherchez. Ouais. Ouais. C'est un peu l'inverse que de Frankenstein. Quoi. C'est voilà, t'étais assassin, t'étais un connard, tu vas tuer des gens, voilà. Et la musique, vous la trouvez comment? J'ai même pas fait gaffe, je t'avoue, bizarrement. Elle passe un peu inaperçue, je suis d'accord. Il y avait pas ce côté. Enfin, à part au début où il y a une musique de rock, j'ai même cru que c'était Black Angels. Ce côté aussi punk, ouais, aussi arch que dans la bonne annonce qu'on a passée. Ouais, grave. C'était du rap. Ouais, en plus. Mais là, c'est Jed Kerzel, le frère, du coup, du réel. qui est... ouais, non, mais c'est vrai, un groupe de rock et tout. Tu as donné du travail à ton frère. Oui, maman. les costumes, vous les trouvez stylés? C'est sympa, mais comme je t'ai dit, genre, autant gentil que méchant, dans le passé, ils sont tous en noir, tous foncés. Je fais, bon, bah, je vois alors pas trop la différence de... Non, à l'époque, la mode, c'était pas non plus... un choix de ouf, quoi. Et même dans le présent, en fait, d'ailleurs, ils sont tous en blanc. Ils ont en fait, c'est des vieux tissus blancs, voilà. Ils sont en prison. Mais oui, mais c'est genre... Leader, c'est un pantalon, parce qu'il est torse nu. Mais ça fait genre tissu de moine, tu sais. Je trouvais ça marrant. Hôpital, tu vois, les patients, c'est la même. Genre, t'as le pantalon et le haut, et c'est tout. Moi, je trouve que les costumes des assassins, je trouve que c'est joli. Par contre, les soldats des méchants du passé, leurs costumes, ça fait un petit peu trop Power Rangers. Ça fait fake, ouais. Ça fait fake. Alors, t'as joué au jeu? Seule fois à Syndicate. Et les costumes n'ont rien à voir. Ils sont tellement plus magnifiques dans les jeux, tu vois. T'as le choix de couleur, t'as le choix selon l'époque dans laquelle t'es aussi. T'as le choix jaune canari, voilà. Rouge vénitien. Non, mais c'est vrai, c'est les costumes. En fait, c'est un brouillon un peu dans tous les aspects, j'ai l'impression, de ce film. C'est fait à la va-vite, mais c'est pas la pire des adaptations de jeux vidéo, je tiens à le préciser. Mais moi, je trouve que c'est une des meilleures, mais on va y revenir plus tard. Les costumes, en tout cas, il y en a eu plus de 1000, il y a eu beaucoup de figurants. Et pour les décors, ils ont tourné en Espagne et à Malte. C'est une question que je voulais pas discuter. C'est là, les Espagnols, ça va, ils parlent bien espagnol, c'est plutôt bien. Alors, pour moi, déjà, on prend Fassbender qui a une tête d'Irlandais. Oui, ça ressemble juste la tête. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, le gars qui fait. Qu'est-ce que t'as contre les roues? J'aime bien les roues. Mais je trouve qu'il parle bien espagnol, sachant qu'il parle très très bien allemand, il parle très bien anglais. Oui, il parle bien, mais il a pas ce petit. Alors, attends, Malte, c'est vers l'Andalousie. Ouais, il a pas le côté, le petit accent. En fait, catalan et andalou, on a des accents. Et là, on a des accents, oui. Dites espagnol, vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné, qu'elle aime la corrida, qu'elle aime les poncho. Poncho, c'est espagnol. C'est mexicain, Je la tiens, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Didi va tuer Jonas. Je la tiens. Il parle bien, mais moi, il passe pas en tant qu'espagnol. Mais... Il passe pas du tout en tant qu'Espagnol. Enfin, j'ai eu du mal à m'accrocher. Ça aurait été, en fait, celui qui se passe en Irlande ou à Londres. Là, OK, pas de problème. Mais la copine de Fassbender... C'est une Française. Française. Elle parle bien espagnol. On connaît pas son nom du tout. C'est Ariane Labed. D'accord. Voilà, et elle joue dans... d'autres trucs. Mais elle parle bien espagnol. Hein. Elle parle très bien espagnol. En plus, elle est bien typée. Je la trouve très charmante. Oui. Je la trouve très charmante. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne adaptation? Adaptation en tant que jeu vidéo, si vous avez vu Resident Evil... C'est de la merde. Mario Bros aussi, il y a une adaptation. C'est de la merde. J'adore ce film, j'adore le non, film. Non, j'ai pas vu. Même. Hein. Oui, alors, mais justement, Terrence le disait, c'est un film que si tu vois et que tu connais pas les jeux, ça passe. Tu peux tu vas moins comprendre que tu vas même rien comprendre. Si t'aimes les jeux, tu vas comprendre. Et Resident Evil, c'est un peu l'inverse. Si t'aimes les jeux Resident Evil, tu t'arraches les cheveux en regardant. C'est putain de film. Et si, par contre, tu connais pas Resident Evil, tu dis, wow, un film d'action, ça va, c'est cool. Bah, là, ce film, Assassin's Creed, en tant que film, ça va, ça passe, mais quand tu connais le jeu vidéo, non. Moi, en tant que joueuse, j'ai pas aimé. C'est un brouillon, tout simplement. Voilà, ça va être mon résumé. Bilka? Moi, je peux pas trop parler de l'adaptation elle-même parce que j'ai pas trop joué au jeu, mais franchement, pour un néophyte comme moi, le film en lui-même, non, j'ai pas accroché. Et j'en profite pour conseiller Karim Debbache et sa chronique Crost pour les films, les adaptations de jeux en film sur jeuxvideo.com. Profitez, regardez ça. C'est un peu un des maîtres du monde de YouTube. Alors, ouais. La fin, je trouve que ça va très vite, que... Bah, spoil, il trouve les trucs, tout se passe bien, il se téléporte, et du coup... Non mais attends, la fin est un peu what the fuck. Hein, oui, voilà. Moi, non mais attends, en fait, ce qui se passe... J'ai éteint mon cerveau. Ouais, non, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, déjà, quand il revit le passé de ses ancêtres, eh ben, il apprend à devenir assassin, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il mémorise tous les mouvements de combat que fait son ancêtre et il devient ouf, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est voilà, Michael. Et du coup, ils arrivent à. Enfin, je sais pas, ils ont une espèce de vision où, en fait, où ils découvrent, en fait, l'histoire, en fait, ce qu'ils doivent protéger, en fait, entre guillemets. Et du coup, ils se rebellent tous d'un coup. Enfin, tu nous aides beaucoup à tout comprendre. Non, mais c'est l'apocalypse, c'est n'importe quoi. Si je peux me permettre, oui, en fait, pendant tout le film, le Michael Fassbender, je sais pas comment il s'appelle, il épouse la cause des Templiers, c'est-à-dire, oui, bah, retrouver voilà. La pomme pour arrêter la violence, parce que son père était un assassin et que son père a tué sa mère pour cette cause, et il trouve que c'est pas du tout justifié. Mais quand il retrouve la pomme, là, il y a tous ses ancêtres qui apparaissent devant lui de toute l'histoire, il y a même sa mère et son père qui apparaissent devant lui, on le voit pas bien mais ils sont là. C'est la fin d'Harry Potter. Voilà, c'est ça. Et après il se dit ah bah finalement si tous mes ancêtres ont fait ça bah peut-être que je dois faire ça aussi. Non, tout c'est simplement. Pas, c'est pas tant ça, c'est juste qu'il lui explique en fait pourquoi les assassins sont, pourquoi ils existent, c'est le credo, c'est ça, le creed. Oui. Et là il va comprendre en fait leur but c'est justement de, tu sais... rester le choix arbitraire, enfin l'arbitraire, c'est ça. Oui, le oui, choix arbitraire. Oui. Voilà, c'est juste de protéger la liberté et oui. Voilà, c'est tout. Et là, il va embrasser la cause. Oui, mais c'est trop rapide comment oui. il revire. Oui. Et il dit pas ça. Il y a son ancêtre, une femme, son ancêtre, qui en fait lui récite le serment des assassins que son ancêtre a fait au tout début du film. Il dit pas, genre, oui, ok, la pomme va apporter la paix au monde, mais on perdra tous notre libre arbitre. Et notre libre arbitre, c'est ça qui nous fait. Cette phrase que je viens de vous dire, ça a pris 7 secondes. Ils auraient pu le dire. Non, elle lui récite le truc. Nous, nous servons dans les ténèbres pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. Et là, subitement, un coup de bec magique, oui, je suis gentil. Mais justement, est-ce que ça se passe pas dans sa tête, surtout ? C'est pour ça que c'est oui, un en peu plus, le what the fuck. Donc après, les Templiers récupèrent la pomme, tous les prisonniers se rebellent, se font tous buter quasiment, sauf oui. quelques-uns qui rejoignent la cause de Michael, et après... Les Templiers vont dans une rêve partie son et lumière pour faire « Hey, on a gagné ! C'est pour ça qu'on va faire une super fête !» Évidemment, le mec qui avait la pomme, le papa de Marion... Après une petite discussion avec Marion, se fait buter par Michael et il se téléporte sur un toit et c'est fini. Voilà. Alors, j'ai compris que Bilka et Didi, vous aviez pas trop aimé. C'était la team dislike. Nous, la team like, Abe et moi, moyennement Abe s'est fait un peu embrigadé. Et on va passer à Rogue One. C'est parti pour ce film. C'est réalisé par qui ? Gareth Edwards. Mais c'est cool. Qui il a fait quoi d'autre en fait ? Alors si je me trompe pas, il a réalisé le dernier Godzilla. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y a aussi Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen. Je crois qu'il joue le père, il me semble. Oui. Garen Erso. Ok. Petit bug. C'est sorti le 14 décembre 2016, du coup, et je passe directement à la bande-annonce. Déclinez votre identité. Jean Erso. Falsification de documents impériaux, recel d'objets volés, violence aggravée et refus d'obtempérer. Livré à toi-même depuis l'âge de 15 ans. Intrépide, agressive et indisciplinée. C'est une rébellion, non ? Je me rebelle. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Qu'est-ce que tu feras s'il te capture ? que tu feras sous la contrainte. Si tu continues à te battre, qu'est-ce qu'il adviendra de toi ? Pour ceux qui connaissent un peu la saga Star Wars, l'histoire, elle se passe avant l'épisode 4. Oui. Voilà. Jusque-là, on suit. Ouais. Voilà. Donc, juste avant, l'épisode 4 où ils détruisent l'étoile de la mort. Ouais. Et donc là, en fait, ils veulent essayer d'avoir les plans pour justement détruire une arme secrète. Ils savent pas que c'est une étoile de la mort. Bravo, voilà. tu peux repartir. Non. Tu as fini la mission, l'unique. Salut. Il m'a prévenu. Attends, je vais dire ça et ouais. Non, mais du coup. Lance-toi. Okay. Vas-y, courage. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'Alliance Rebelle, elle apprend l'existence d'une arme redoutable, la fameuse étoile de la. Voilà. C'est son nom commun. Sinon, c'est l'étoile de la mort. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une station spatiale qui a assez d'énergie pour détruire une planète entière. Donc, les rebelles, ils décident de voler les plans de cette station spatiale. Donc, en gros, on va suivre les péripéties de Jyn Erso, la fille de Galen Erso. Galen Erso, c'est l'ingénieur qui est en charge de la construction de cette arme. Donc, voilà. Et pour ne pas trop vous spoiler, je vais juste dire ça. Elle va être... confier la mission par l'Alliance des Rebelles de récupérer les plans et d'essayer de trouver en fait la faille de cette arme. Voilà, c'est l'élément important, c'est que Jyn, en VO je crois que c'est plutôt Jyn, j'ai pensé à Jennifer Lawrence pendant tout le film, mais c'est que donc son père est un ingénieur et qu'elle a... toute première minute du film, donc on ne spoil pas, c'est qu'il se fait enlever de force par l'Empire, et sa mère est tuée donc, sous ses yeux, puisqu'elle assiste à la scène, et tu vas finir toutes mes phrases. Merde, on a raté. Elle fuit et... Elle ne fuit pas. Elle est, en fait, elle se cache et elle est retrouvée... Enfin, elle fuit pas, c'est la cachette secrète que son père a fait exprès en vue de ce... Voilà, donc elle s'enfuit pour se cacher. Donc elle s'enfuit pas. Bref, elle se cache de l'Empire qui évidemment la cherche, on sait pas trop pourquoi, j'imagine pour un moyen pour de pression. Otage, ouais, pour avoir un otage, pour qu'il... Pour le forcer à construire l'étoile noire. Et elle est récupérée par un mec. Ce mec, on le revoit pas, mais Jyn, on la revoit adulte. Puisqu'elle était, elle avait, j'imagine, 10-11 ans quand c'est arrivé. Mmh. Et elle fait plein de conneries, elle est une rebelle. Elle se fait emprisonner et libérée par, justement, les rebelles qui la récupèrent, puisqu'ils apprennent sa véritable identité. À partir mais c'est de pas là... tant, c'est ouais. pas pour sa véritable identité, c'est parce qu'en fait, ce personnage que... Comme tu dis, on s'en fout, on le revoit qu'une fois. Bah justement, le petit détail, c'est que c'est lui, Saw Gerrera, qui est allé la chercher sur la planète. Oh, you're Saw Gerrera. Voilà, il est allé la chercher sur sa planète et disons qu'il s'est occupé d'elle, il l'a un peu élevée comme sa propre fille en attendant. Et étant donné que... Et il la recherche. Il la recherche pas vraiment, mais c'est juste qu'en fait, ils vont se servir de Jyn parce qu'ils pensent que Saw Gerrera, justement, aura un petit faible et de la compassion pour lui donner les plans. C'est pas tant parce qu'elle est la fille... Justement, le fait qu'elle soit la fille de Galen Erso, elle est un petit peu... tu vois, genre... Ah, ton père a construit l'étoile. Ah, tu es une famille de méchantes et tout ça. Tu vois, genre, ils sont pas très OP pour qu'elle soit, justement, dans l'Alliance Rebelle. Je pense que les auditeurs se disent que c'est mieux quand tu parles dans le micro. Oui, je pense aussi. Là, c'est Gareth Edward qui réalise le film. Donc, c'est celui qui avait fait Godzilla, comme tu as dit, et je pense que c'est ce qui marque beaucoup le film, c'est ce gigantisme. On a vraiment des vues incroyables, où tu vas avoir évidemment l'étoile de la mort qui est énorme, qui fait un peu la taille d'une lune, et c'est très très impressionnant. Mais moi, c'est pas tant... Je pense que c'est plutôt l'univers de Star Wars qui se prête au gigantisme, justement, parce que c'est un univers très vaste. C'est pas parce que le gars a fait Godzilla qu'il s'est dit « Tiens, on va montrer des panoramas magnifiques, gigantesques, c'est... » Mais en termes de mise en scène, il a, là je paraphrase d'autres critiques, c'est que t'as souvent, par exemple, un vaisseau déjà énorme comparé à une cité, une ville ou même un tout petit vaisseau. Et il y a vraiment cette, mise en échelle qui est très marquée. C'est que cet immense vaisseau, tu vas le voir ensuite tout petit par rapport à l'étoile noire. Et l'étoile de la mort. Je me suis... Bref. Death Star, voilà, l'étoile de la mort, pardon. Et il y a vraiment des plans, je trouve, très très beaux lors de la première utilisation de l'étoile de la mort. Je trouve que c'est bien fait, c'est vraiment sympa. Il y a un côté vraiment toujours... Oui. Je pense j'irai le voir. Non, mais il m'a levé le doigt tel le Christ, il a fait silence. Vas-y. Mais non, je levais la main pour parler. On a tous cru qu'il y avait un problème technique. Non, ça donne vraiment envie d'aller le voir, en fait, en tout cas. Je pense que si t'es fan de Star Wars, déjà, t'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu l'auras déjà vu, revu. Mais ça vaut la peine aussi pour les amateurs de science-fiction en général. Ouais, parce que même en n'étant pas une grande fan de Star Wars, Moi non plus. J'ai beaucoup apprécié ce film. Et je l'ai trouvé, je l'ai trouvé meilleur que le 7. Ah, bah justement, totalement. Parce que moi, le 7, j'ai trouvé. La fin était c'est pas une crédible blague. En fait. Pour moi, c'est une blague. Hein. Ouais. Ils t'ont repris la saga, l'histoire. Allez, tiens, on va te la remettre. C'était un remake en fait. Ouais. Une espèce de... Avec les effets spéciaux de maintenant. Ouais, voilà, en gros, ils ont fait tiens. On va remettre le même scénario, ça se trouve, ils vont rien voir. Chaque scène, tu peux la retrouver dans la saga. C'est plutôt réussi d'avoir pris l'héritage d'un mythe et d'avoir réussi à mixer le mix et la nouveauté. Je pense que c'est plutôt une réussite. Après, en termes de film en lui-même, est-ce que c'est un bon film ? Je suis partagé. Tu parles pour le 7, donc, là ? Ouais, mais en tout cas, pour Rogue One, ton avis est plutôt positif. Moi, mon gros problème, c'est que je ne me suis pas du tout attaché au personnage. Ah ouais ? Ouais, complètement. Pour moi, ils sont interchangeables et Felicity Jones. On en reparlera. Là, en tout cas, vraiment, mais la fin, je la trouve géniale et c'est comme le 7, c'est-à-dire que moi, j'ai adoré et ce que j'aime aussi dans Interstellar, dans d'autres films, j'aime beaucoup les avions, j'aime beaucoup le vol, j'aime beaucoup ces sensations de vol que peuvent procurer les films. Je trouve ça génial et dans le 7, je trouve ça incroyable, les scènes de combat de X-Wings et tout. Là, il y avait un petit peu moins ça, mais on retrouvait cet esprit de bataille avec une originalité. Je trouvais que j'avais jamais vu ça dans l'univers de Star Wars, le truc, le bouclier avec une porte. Je trouvais ça sympa, ça m'avait même fait un peu penser à Cowboy Bebop, hein. je trouvais ça cool. Donc la fin cool, et puis évidemment l'apparition de... Bon ça, on spoil pas parce que c'était annoncé dans les bandes annonces, mais... Oh ça c'est cool, putain c'est trop bien. Il y a un petit côté, et ça moi perso, et je pense que Abe va pouvoir en parler, Star Wars Battlefield... Star Wars Battlefront, voilà, notamment le 2 sur PS2, qui est un des meilleurs jeux du monde. Contrairement au dernier Star Wars Battlefront, on peut se le dire, celui de PS2 est tellement mieux. Ah, incroyable. On va pas aborder le sujet, mais il n'y a pas de contenu dans le... C'est ça, dans le dernier Battlefront. Dans le dernier, et puis c'est genre, tu payes un jeu 69€, mais il n'y a rien dedans, est-ce que tu veux avoir tous les trucs, tous les DLC, machin, tu dois repayer 69€ au moins, minimum. Notamment un DLC avec la bataille de Despin, il me semble. C'est la planète sur laquelle ils se battent. Bon, alors, j'explique. Le film, en fait, ils arrivent à trouver les plans de l'étoile de la mort et ils doivent... S'infiltrer, en fait, dans, je sais pas ce que c'est, une tour... noir sur une planète protégée. Je me rappelle juste, protégée. C'est une plage magnifique. Voilà. J'ai vu ça, j'ai fait « Oh, waouh !» Voilà, là, c'est une, super bien placé, là, ceux des recherches. Recherche et développement, ils sont très bien placés. Et en tout cas, ils sont protégés donc, par ce bouclier avec une porte. Ils arrivent, l'équipe donc, auquel on est censé s'attacher avec pas mal de personnages, à s'infiltrer dedans. Et il y a ensuite une bataille, puisqu'ils se font découvrir. Et il y a ce côté vraiment assaut sur une plage. Il y a des AT-AT à la fin. spoil, donc on va spoiler, mais c'est très sympa. Il y a donc tout après la flotte des rebelles qui se décident finalement à intervenir pour sauver les fesses des autres donc soldats qui se sont regroupés en petite équipe et qui se sont fait appeler Rogue One, voilà, d'où vient le titre. C'est plutôt cool. Moi, je trouve qu'il y a un côté vraiment Battlefield. J'ai vraiment l'impression d'assister, tu vois, les batailles dans le Soldat Ryan, dans une fausse. Ouais. Bah, à ça, mais dans l'univers de Star Wars, surtout sur la plage et tout ça, où, mm-hmm. genre, on essaye, en fait, voilà, ils vont se séparer en deux groupes, ceux qui vont chercher les plans et ceux qui vont faire diversion. Et là, t'as vraiment le petit côté, genre, tactique, infiltration, on va, genre, s'attaquer à ces bases-ci, ces bases-là, pour faire gagner du temps aux deux autres, enfin, trois autres qui s'infiltrent. Ouais. Le casting, tu me disais que toi, t'avais réussi à t'attacher au personnage ? Bah, en fait, c'est parce que je fais vraiment une comparaison avec cet épisode 7 qui m'a fortement déçu, on va le dire. Ah, oui. En fait, non, tu vois, l'épisode 7, la seule bonne chose que je vais dire pour les deux films, c'est qu'on a enfin des héroïnes badass dans les deux. Je suis d'accord. La mise en avant, tu vois, du power féminin, tu vois. Girl power, girl, c'est power, ça que tu cherches. Voilà, j'ai cherché le gars. Oh, j'ai plus l'habitude, tu vois. Non, mais c'est l'un des bons points que je dirais aux deux films, quand même. C'est la belle part, tu même vois, des femmes. Si je trouve que pour Rogue One, ça semble un petit peu moins forcé, je trouve, que le 7. Où le 7, tu dis, mais d'où elle sort ? Mais ça, je pense que ce sont des questions où on aura les réponses dans les deux prochains épisodes, quoi. Alors oui, là, je spoil le 7, mais enfin, moi, j'annonce que si c'est jamais elle a reçu la force par l'hérédité, genre c'est la fille, la cousine, n'importe quoi, je serais très déçu. Parce non, que pour moi, la force, ma théorie, c'est, tu sais, c'était quoi ? Ouais. C'était juste qu'en fait, à la base, le méchant, le fils de Yann et de Leila, il avait été entraîné par son oncle, mais il n'était pas le seul. Hein. Ils étaient toute une bande d'enfants. Et je pense qu'elle faisait partie des enfants qui avaient été entraînés par Luke Skywalker. Enfin, pour revenir à ce que je disais, c'est que pour moi, si elle a hérité de la force, genre, c'est comme si elle n'avait aucun mérite. Et c'est ça qui me décevrait beaucoup, c'est que... Si je dis que mais... selon ma truc, elle n'a pas hérité de la force. selon ta truc, oui. Selon ma théorie, genre c'est juste qu'elle a été entraînée. Pour moi, ce serait lui qui aurait entraîné ce petit groupe d'enfants là, avec... C'est quoi le nom du méchant ? Dark Vador numéro 2, pourquoi ? Il s'appelle comme d'accord, ça. Voilà, genre, il nous a retenu, tu vois, on l'a bien retenu dans nos esprits. En tout cas, elle a... je trouve que c'est moins forcé, parce qu'elle a vraiment un background plutôt... qui se tient, c'est la fille, bah voilà, elle a envie de se venger, elle est un peu partie en couille à cause de sa vie qui était nulle à la base, enfin, elle pleure, elle est quand même humaine, et même si j'adorerais, hein, j'aime beaucoup Daisy Ridley, je trouve que son rôle est génial, mais ça a l'air de moins tomber sur elle d'un coup, quoi, parce que dans le set où elle est dans la planète, qu'elle est capturée, que la force lui vient d'un coup... Tu dis par c'est... le pouvoir du scénario. Je pense que ce qui t'a aidé dans Rogue One, c'est qu'on a vu justement le passé de la petite de Jean. Alors que là, pour Rey, en fait, elle, c'est juste, on la trouve comme ça et on sait que ça va être elle le personnage principal. Mais je trouve que son après, on sait pas son background. Felicity Jones, est-ce que tu l'aimes? Moi, j'ai trouvé que dans le film, elle faisait bien le rôle. Enfin, elle m'a pas gênée. Je l'ai bien aimée, comme tu dis, girl power. Vas-y, là, c'était bien fait. C'est la brune avec une queue de cheval, normalement. Qui, dans les bandes-annonces, fait un peu penser à Hunger Games, je trouve. Ou Lara Croft. Faut le dire, pour moi, elle ah fait oui, penser si, un peu... Ah oui, si, pardon. Au... Oui, oui, même dans la bande-annonce, ça se fait éclater par un robot. Elle se refait recaler par un robot, genre en mode, tu ne passeras pas. Personnage très important. Voilà. Il est joué par Alan Tudyk, et c'est le droïde K2SO. Et je trouve que c'est le personnage le plus cool. J'ai beaucoup aimé son sarcasme, son humour assez... Non, mais je trouvais qu'en fait, il allait très bien. Le petit trio, finalement, de personnages, tu sais, Capitaine Cassian, Jean... Dislike. Ouais, mais en fait, les trois, ça passe... Enfin, c'est comme dans le set, j'aime beaucoup BB-8 et Rey. Et là, j'ai beaucoup aimé K2SO et Jean. En fait, je trouve que... Voilà. j'ai beaucoup aimé l'association, le robot et la fille. Je sais pas pourquoi. Mais moi, j'aime bien le Alan Tudyk. Enfin, je trouve qu'il était drôle. Ma tante qui a travaillé sur le Rogue One a trouvé qu'il était super gentil. Très très sympa, il est monté sur ses échappes avec son pyjama là, de motion capture. Et d'ailleurs, en plus, il avait joué, je crois, dans iRobot, le robot justement, je crois. Sonic. Et il avait aussi joué le pirate dans Dodgeball. Dodgeball, est-ce que c'est pas un film avec genre Vince Vaughn ou je sais pas quoi? Ouais, voilà. Bonne référence. Ah, des références pour toute la famille. Voilà, voilà, venez, venez. On conseillait fortement ce film. Ah, mais aussi, enfin. Petite parenthèse, purée, on a perdu malheureusement Carrie Fisher et on a aussi perdu Kenny Baker. Je ne sais plus comment on sait. C'était celui qui jouait dans R2-D2, enfin qui était dans R2-D2. Du coup, RIP. Et c'est pas cool. C'est vrai que le casting là de Star Wars en a pris un peu un coup, quoi. Là, ils sont tous un peu. J'avoue, jusqu'à ce que même les fans se demandent un peu ce qu'il en advient de l'avenir. J'ai vu que Carrie Fisher était morte, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans 8? Parce que je pense que normalement, elle devait participer au moins dans le 8. Je suis pas sûre pour le 9, le 8, c'était sûr qu'on la voyait dedans. Je veux dire, c'est quand même son fils, le méchant. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils prennent une doublure, tout simplement, et ils parlent moins ou quoi. Mais il change un petit peu en fait en 3D comme pour Paul Walker qui était décédé pendant le film. Ils ont pris son frère, mais ils ont changé un peu son aspect au niveau facial pour. Ils ont collé le visage de Paul Walker et on a affaire en fait à la même technique là dans Rogue One, puisque un des généraux de l'Étoile de la Mort. J'ai son nom sur le bout de la langue, mais je le retrouverai peut-être pas. Et aussi, Le nom dans le film, mais pas le nom. Ouais, voilà. Le nom dans le film, comment il s'appelle? C'est bien Grand Moff Tarkin. Oui, Tarkin. Voilà, merci. Ça rentre très bien, je trouve. Il y a quelques petites imperfections, mais je trouve que ça rentre très très bien et c'est impressionnant. Et surtout pour la voix, je sais pas comment ils ont fait. Et on a aussi, à la fin, la spoiler alert, c'est qu'il y a donc une jeune Carrie Fisher dans son rôle de Leia, qui parle juste deux phrases. Et là, ça rend moins bien. C'est même limite un peu étrange, surtout quand... C'est peut-être parce qu'on était habitué au... Non, moi, je pense que c'est... Tu sais, on a vu l'épisode, alors c'est 4, 5, 6. Donc, il y avait un grain sur la pellicule. Et là, on la voit très, très nette. Je sais pas, ça m'a fait assez bizarre de la voir aussi bien. Il y a un personnage quand même que je m'étais bien attachée à lui. C'était l'aveugle. J'ai bien aimé celui-là. Moi, je trouvais... déjà, il y a énormément de références à plein de trucs. Il y a aussi du fanservice à gogo, même si le film n'est qu'un film fanservice. Ce gars, t'as vraiment l'impression que c'est comme dans tous les films japonais, la légende du samouraï aveugle, voilà, et tout. J'ai trouvé ça très stylé. Et aussi, il ressent la force et tout. En VO, ça donne super bien. En VF, il paraît que ça donne beaucoup moins bien. Je l'ai vu en VO, donc je ne peux pas juger la qualité. Mais en VO, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet aveugle avec son partenaire. Le couple donc Jen et son pote. Ce n'est pas un couple. Ça sent à 2 km. Ils nous ont pas fait le cliché de on va s'embrasser. J'étais tellement heureux justement. Oui, je suis d'accord, c'est mieux. Cliché, arrêtez. En plus, la fille, c'est très clair, elle le connaît depuis quoi? C'est en peu de temps que ça se passe depuis cette histoire. Jours. Voilà, en 2 jours, elle n'est pas amoureuse. C'est juste on va mourir ensemble. Affrontons ça ensemble, c'est ça en fait. Il n'y a pas une question de je suis comme dans le set. Oh, mon Dieu, première fois que je vois une femme, je suis amoureux. J'ai peut-être le cas, je pense qu'il n'a pas encore trempé son biscuit, hein, notre ami. J'ai pas aimé son personnage d'ailleurs, Je trouvais l'acteur n'est pas sympa, il paraît. Tu sais pourquoi j'ai pas. Je trouvais que quand il apparaissait, il descendait un peu la badass attitude de Rey. Il la menait vers le bas. Je trouvais pas que. Ou ça mettait en valeur la badass attitude de Rey. C'est dur à dire badass attitude, mais. Donc pour résumer, la fin du film, l'étoile de la mort arrive sur au-dessus de la planète où se trouvent les plans. Jen arrive à envoyer les plans à l'équipe des rebelles, à l'armée des rebelles, et l'étoile de la mort tire sur la planète. Voilà. Et là, j'ai cru que c'était Mélancolia. Moi, j'ai trouvé ça, c'est bête à dire, mais très beau en fait. La planète qui se détruit, c'est horrible, la planète qui se détruit, c'était magnifique. Genre, cet effet de. ralentit la poussière qui arrive, ralentit les effets de couleur. Tout ce sang et ces cadavres qui jonchaient l'espace. Voilà. C'est la mer, tu vois, juste deuxième soleil arrivé, quoi. Putain. Et c'est joli, c'est joli. Et après, donc, le message qui arrive chez les rebelles dans le vaisseau. En fait, le vaisseau se fait attaquer, et surtout par Dark Vador. Et là, c'est juste la scène la plus classe du film. Et je pense que c'est le truc qu'on aurait voulu voir dans le set, justement, c'est... Purée, mais ce personnage, il a tellement la classe de fou, et là, on voit se battre, et presque, j'ai envie de dire, enfin, parce que, finalement, dans le 4, 5, 6, on le voit pas trop se battre, enfin, c'est pas non plus la folie pour l'époque, en tout cas. Redouté, mais on sait pas trop pourquoi. C'est dans le 1, 2, 3, on fait « Ah oui, d'accord, on comprend mieux !» Ouais, les combats au sabre laser sont plus acrobatiques dans le 1, 2, 3, c'est limite du cirque. Et là, en fait, Dark Vador, il arrive dans un couloir avec des petits soldats rebelles et il les défonce. Mais genre, totalement. Un par un, allons-y. Et c'est incroyable, enfin c'est pas magnifique parce que c'est horrible, mais c'est d'une classe avec la lumière, le fait qu'il arrive, qu'il marche, mais qu'il est de tout droit, il est immense en plus, l'acteur c'est toujours le même, mais super grand, et genre il en met un en l'air avec la force, il le coupe en deux avec son sabre, en même temps d'avancer et d'étouffer un autre, enfin c'est juste fou. C'est la force instoppable en fait, c'est vrai, sur exactement, la force, c'est ça, juste le petit rebelle qui essaye de transmettre le message « Ouvrez, ouvrez, je vous en prie !» C'est le truc que j'ai trouvé très marrant. Au lieu, tu sais, il avait la petite carte qui contenait les plans donc à la main. Au lieu de le faire passer dans la fente, il essayait d'ouvrir pour s'enfuir. J'étais là, mais passe la carte, là tu perds du temps. Mais il a envie de survivre aussi. Mais c'est trop tard, t'as Dark Vador en face de toi, abandonne. Abandonne. Oui, vous pouvez essayer quand même. Pour la musique, c'est Michael Giacchino, je sais pas s'il est italien, qui est assez cool. Ils reprennent les thèmes de Star Wars, oui. Mais c'est comme s'ils les reprenaient au Melodica, genre ouais, c'est un peu moche quand même. C'est un peu remixé. Ouais. Le premier thème qui avait été repris, c'est vrai, j'ai fait « Qu'est-ce qu'ils en ont fait ?» Mais ça remplacera jamais les musiques de la première trilogie où, enfin je veux dire, le thème de Leia, il est magnifique. Et dans le set, il y avait une bande-annonce avec ce thème où vraiment ça foutait des frissons et tu retrouves pas du tout cette ambiance dans le set, et ça c'est dommage. Et là, ils ont une autre ambiance musicale qui est moins prononcée, mais finalement qui va bien avec ce côté un peu juste spin-off. Et donc, ça renouvelle un peu quoi. Ça. Est-ce que vous avez une conclusion? J'ai une conclusion parce que ce film c'est un spin-off, mais il va y avoir deux autres films. Ils vont faire une petite série de spin-off, une petite trilogie. Et j'ai hâte de voir, parce que j'ai été déçue du 7, alors j'ai hâte de voir ce que donnent les deux autres petits dérivés. Un en 2018 et le troisième en 2020. Après, comme c'est des dérivés, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Par contre, c'est ça qui m'intrigue, c'est que je ne sais pas du tout. Dans l'univers Star Wars qui est assez vaste, je ne sais pas de quoi ça va parler et ça me plaît. Bah, moi, je vais te dire, tu vois, là, ils ont fait tout un film pour expliquer pourquoi dans le quatrième film, il y avait un petit trou où tu tirais dedans, boum, l'étoile de la mort explosait. Mais le deuxième film, ce sera pour expliquer pourquoi il y a aussi le même trou dans la deuxième étoile de la mort. Voilà, je t'explique le film. C'est peut-être ça, oui. Sur ça, on va écouter du David Bowie. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Your mouth shut. Just spoken like a big monkey bird, and I'm busting up my brains for the world. Keep your electric out, baby. Put your ray gun smile. Press your space. Of mad love is such essuyer les larmes qui coulent sur mon visage. Évidemment, c'était David Bowie. Oh. Non, David. Mais 1971, donc Moon Age Daydream de l'album... 71 C'était Rise and Fall. L'année de ma naissance, 71. Ah, mais oui. Et moi, je j'avais déjà mon degré en sciences physiques. Vous en pensez quoi de cette chanson? Très sympathique. Après, je ne suis pas une grande fan de Bowie. Désolée, paix à son âme. D'accord. Pas de soucis, t'inquiète, on ne va pas réagir. Là, tu mérites la mort. Non, mais elle est sympa, là. Je kiffe bien celle-là. Elle est tranquille. C'est magnifique. On peut l'entendre aussi dans Les Gardiens de la Galaxie, il me semble. Je crois. Je ne sais plus quand. Les Gardiens de la Galaxie. Tu sais, le truc avec la belette C'est la belette et l'arbre. Alors, Valériane, qu'est-ce que c'est? Alors, Valériane, c'est le prochain film de Luc Besson qui sortira en juillet 2017. Le titre, c'est Valériane et la cité des mille planètes. Ouais. C'est l'adaptation de la série de BD Valérian et Laureline. Alors, à la base, c'était Valérian, agent spatio-temporel. Ouh, j'y arrive pas. C'est ça. Donc, mais et après, ils ont changé le titre en 2007, en fait. Et je trouve ça bien, parce que Laureline, c'est quand même l'héroïne... ils ont voulu simplifier le truc, tu vois, pour que ce soit beaucoup plus explicite, genre Valérian. Juste une question, c'est une BD française ou... Oui, oui, la France, oh, 100% non, française. C'est la science-fiction française, ouais. Tu vois, c'est métal hurlant et tout le bazar, génial. Et entre parenthèses, ce n'est pas juste un truc français, c'est la matière première qui fait le space opéra, le genre, que ce soit littéraire, BD ou film. Star Wars existe, c'est The Forbidden Planet, l'inspiration directe, et un film japonais où il faut prendre une forteresse et il y a une princesse à délivrer, mais tout ce qui est immersif, les vaisseaux, les extraterrestres, qu'on voit dans tous les films Star Wars jusqu'à Rogue One, c'est Valérian et Laureline. Et Moebius, faut quand même pas l'oublier, le génie, le plus grand génie de la bande dessinée. Alors, Valérian, du coup, c'est scénarisé par Pierre Christin. Le dessinateur, c'est... C'est Georges Méliès. Bravo. Mais ouais. Et la coloriste, Evelyne Tranly. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Donc, la première fois, c'est paru en 1967, dans Pilote. Sympa. Donc, c'est Dargaud, qui l'éditait. À partir de 1970. Et Valérian et Laureline, c'est aussi un animé. Tu parlais justement d'animé. C'est un animé science-fiction franco-japonais. Il y a eu en fait seulement une saison, donc 40 épisodes. Moi personnellement, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé. C'était assez sympa. Ah, regardez. J'ai pas regardé. Eh ben, il y a qu'une saison. Ça a été diffusé. C'est sur Netflix. Non. ils ont tout mis sur YouTube gratuitement. Je pense c'est avec la sortie du film. Je sais pas, mais en tout cas, j'irai voir ça. Donc ça me. Mais c'est un animé genre 2D ou 3D. 2D avec un peu de 3D. Enfin, normal. C'est très bien foutu. Je trouve ça joli, bien animé. Je pense que ça n'a pas dû non plus attirer les foules, puisqu'il n'y a eu qu'une saison de 2007 à 2008. C'est Canal+. À 2007, d'accord. Ouais, donc ça sort quand, Valériane? Ça sort en juillet 2017. D'accord. Oui. Ça parle de quoi, si quelqu'un peut... Alors, Valérian et Laureline sont des agents spatio-temporels. C'est-à-dire qu'ils voyagent à travers le temps et l'espace pour résoudre des enquêtes pour le gouvernement interplanétaire qui réunit plusieurs planètes, d'où le nom interplanétaire. Et en fait, le film de Luc Besson sera une adaptation directe de la BD numéro je sais pas combien qui s'appelle « L'ambassadeur de l'ombre ». Et sur ces belles paroles, on va lancer la bande-annonce. Ouais. Bienvenue chez nous. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky. On se complète plutôt bien. Tu dragues? Moi pas. Ouais, on fait une super équipe. Et c'est Cara Delevingne. Voilà. C'est, tout ça, c'est la bande-annonce. Comment tu le prononces ? Cara Delevingne. Je sais pas comment prononcer ça, absolument de pas. Vigne. Cara Delevingne. Merde, on est en France. Mais elle a un nom de famille français, il me semble. C'est Delevingne, Delevingne. Mais bon, on s'en fout. Delevingne. Elle s'appelle Cara. Voilà, Cara. Et le tournage, il a débuté en 2016. En janvier 2016. Ouais, le 4 janvier 2016. Oh, Battle the Note. Et il s'est fini en août 2016. En fait, techniquement, il s'est fini en mai 2016 à la Cité du Cinéma. Voilà, c'était la partie. Exactement. C'est tourné en France. C'est tourné en France. À Saint-Denis. À Saint-Denis. On reviendra sur les détails du tournage. Mm-hmm. Et ça s'est fini en août 2016 parce qu'en fait, ils sont partis en équipe réduite dans le Pacifique, dans une île, pour tourner. Des petits trucs en plus. Mm-hmm. Parce que pratiquement tout le film est fait en studio sur fond bleu, à part cette scène qui est faite sur une île au Pacifique. Mm-hmm. Voilà, c'est pour ça qu'il a continué jusqu'à août, et en août, c'était fini. Tout était On a abordé Cara Delevingne. Vous pensez quoi du casting ? Le casting est pas mal. Oui, le casting est pas mal. Il y a Dave Dehan qui jouera Valérian et Cara qui jouera Laureline. Alors, Dane, la première fois que je l'ai vu, c'est dans Chronicles. Je l'ai trouvé, mais génial. Génial. Dan Dehan, pour moi, il... No charisme. Hein. J'ai pas eu de... Enfin, Tu l'as vu, Chronicles ? Je l'ai vivoté et j'ai pas trouvé ça fou. Il est trop bien, Didi. C'est bien celui qui joue aussi dans The Amazing Spider-Man. Ouais, c'est le bouffon vert dans Amazing Spider-Man. Okay. Ah, c'est que des films que j'aime, tu vois. Ouais. Amazing Spider-Man, c'est pas du tout un truc que je déteste. Ah, c'est lui qui va. Bah, je sais pas. C'est le gentil, c'est ça ? Bah, alors niveau charisme, je sais pas, il m'emporte pas trop, hein, pour l'instant, tu vois. C'est le gentil, c'est ça ? Bah, c'est le héros du film. Ah, c'est le héros. Ah non, pour l'instant, je suis pas. Ouais, il m'emporte pas trop, tu es qui t'en envie. Pour l'instant, il n'y a pas de méchant. Tout cas, on l'a pas vu dans la bande-annonce. Cara Delevingne, personnellement, j'aime bien. C'est une Britannique, déjà. Elle est très belle. C'est un point positif. C'est un top modèle de Victoria's Secret. Mais tout de même. C'est pas si elle a les modèles. Bah oui. Je sais pas si elle a les formes pour Victoria's Secret, mais en tout cas, c'est catégorie maigrichonne. Non, ça va. Hein, elle est bien. Je vous confirme. Je vous confirme, comment ça, tu connais Je regarde les défilés, j'ai une amie qui a assisté au défilé. Ouais. Ce qu'elle veut dire, c'est plutôt je regarde catalogue les yaoi. Page 27. Ah merde, non, c'est quoi l'inverse des yaoi, c'est Yori, voilà, ok, les Yori Gagarin avec Cara. Et Clive Owen, qui est-ce qu'il joue, enfin quel personnage dans d'autres films ou dans... Il joue le commandant, je sais pas quoi, là. Enfin un gentil, un petit peu autoritaire, leur chef quoi. Voilà, puisque donc, tu l'as dit, c'est des agents spatio-temporels, et ils doivent... faire des missions spatio-temporelles dans un univers assez fou, quoi. C'est ça. Tout ce qui perturbe la paix de la galaxie, vraiment tout, n'importe quelle mission, ils sont là, et parfois ça les oblige à voyager dans le temps et l'espace avec leur vaisseau spatial. Et l'album de BD qui influencera ce film, tu as dit que c'était lequel encore ? Le titre, c'est L'Ambassadeur des Ombres. En fait, il y a le titre du film s'appelle Valérian, la cité des mille planètes. Oui. Il y a une BD qui s'appelle La cité des mille planètes, et quelques scènes de cette BD seront dans le film. Mm-hmm. Mais l'intrigue principale, ce sera l'histoire de la BD L'Ambassadeur de l'Ombre. D'accord, tu peux nous la résumer rapidement ? Oui, alors la BD de L'Ambassadeur de l'Ombre, c'est que ils doivent escorter l'ambassadeur de la Terre actuelle. Parce que oui, dans le film, on est en 2700, je sais pas combien. 2740, ouais. Ouais, voilà. Et ils doivent accompagner l'ambassadeur de Londres. de la Terre, n'est-ce pas ? De la Terre. L'ambassadeur de Dunkerque. Bon. Ça, à une réunion interplanétaire dans la cité. Dans la cité, en fait, où c'est la métropolis. C'est la cité métropolitaine de toute la galaxie où on peut y retrouver plus de 8000 espèces d'extraterrestres. C'est Coruscant Centre. De Star Wars. Voilà, du coup ils doivent l'accompagner et donc forcément leur mission sera mise en péril contre des méchants qui veulent le capturer. Donc il y a plus de 8000 espèces différentes dans cet univers. C'est ça, dans cette ville-planète. Non mais dans l'univers de Valerian et Il y en a beaucoup plus, hein, parce qu'il y a des espèces qu'ils n'ont pas découvertes encore. Et c'est assez cool d'avoir dans la bande-annonce déjà cet esprit, c'est qu'on voit plein d'aliens, on voit plein de cultures différentes, de planètes différentes. Et pour moi, c'est un bon point. Ce que j'aime bien, notamment dans les films Star Trek de J.J. Abrams, c'est qu'il y a une notion d'exploration, une notion de découverte que t'as pas forcément dans Star Wars, où tout le monde part du principe finalement que tu connais la planète ou quoi. Et ça, j'aime bien. Je sens le fan de Mass Effect, je sens que ça te plaît. Hein. Tu retrouves des similitudes, tout ce que tu veux, et des chiffres et des lettres. un, deux. Mais écoute, oui, tout à fait. Mais Mass Effect, ça joue à fond sur ça. Tu découvres une nouvelle planète où, toutes les deux minutes, c'est fabuleux. Et des races aussi différentes que tu t'envoies et aussi beaucoup. Et par contre, ces extraterrestres dans la bonne annonce, c'est un truc positif pour moi, mais pour beaucoup de personnes, ça faisait place à beaucoup trop de CGI. Oui, non, moi je trouve pas. Après, il faut dire que pour moi, tu vois, Valerian et Laureline, la BD, hein, c'est la base du space opera. Du coup, en fait, c'est la base. Déjà, dans à l'époque où elle est sortie, elle est sortie dans les années 60. C'est-à-dire que à cette époque, il y a l'ASF, il y en avait pas mal, mais du space opéra, la planète interdite, c'est tout. Oui. Voilà, donc clairement, il a inventé le genre. Tous les space opéras qui sont sortis après, Star Wars, Jupiter, je sais pas quoi, le truc pourri là, le cinquième élément aussi. Mais il y en avait déjà en littérature. Oui, mais je veux dire visuellement, tu vois, l'immersion, tu vois, quand le personnage arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, on fait un rapide panneau de l'endroit où il est avec la technologie, les extraterrestres, tout ça, enfin toute la découverte et l'immersion que tu aimes bien, Jonas. Ouais. Valerian et Laureline sont les précurseurs. Alors, l'adaptation en film, beaucoup diront, ouais, on a déjà vu ça dans Star Wars machin et tout. Ouais, t'as déjà vu ça qui s'influe de Valerian et Laureline, mais là, tu vois la base, gros. Tu vois l'origine. Ouais, bah là, c'est du Luc Besson. Donc, Luc Besson. Moi, je suis très, très partagé, très mitigé sur ce réal, et je trouve que... J'espère qu'il va nous faire une cinquième élément, même si c'est pas mon film de SF préféré, mais que plutôt qu'une Lucie qui est nulle, pour moi, personnellement. Et... je sais pas ce que ça va donner. Didi, est-ce que toi t'aimes Luc Besson ? Luc Besson, j'aime beaucoup. Tu parlais du cinquième élément, ça a bercé mon enfance. J'adore mais ce oui. film. J'adore ce film, genre Mila Jovovich dedans. Genre Lilou Multipass, tu vois ? Lilou Dallas Multipass. En plus, elle est rousse, ça, c'est bien. Non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a prouvé qu'un Français peut te faire un peu un show à l'américaine, tu vois, genre un blockbuster comme les Américains. D'ailleurs, il y a Bruce Willis, Mila Jovovich. Merci. Chris Tucker, Gary Oldman, Ian Bilbo là, Ian, je sais pas quoi. Ah oui. Mais oui, c'est vrai que Europa Corp, c'est un peu l'exemple des films américains à la française. Et Abe, toi, est-ce que tu aimes Luc Besson? Ouais, j'aime particulièrement. Ouais. Tu aimes bien Taxi? Ah non, Taxi. Produit par Luc Besson. Lucie, j'ai quand même, enfin, la bande annonce, je me suis dit, oh putain, ça va être un film vraiment trop bien et tout. Et non, en fait, c'est l'histoire. C'était un bon speech. On va pas parler de ça, mais bon. Oh, c'est juste la fin, je crois. C'est la fin qui m'a laissé un peu. No spoil. Non, mais c'est la fin qui m'a laissé. Ouais. Mais sinon, il y a pas que les films comme ça. Il y a ces films français. Léon, par exemple, Léon. Ah, Léon, j'ai beaucoup aimé avec Nathalie Portman qui est toute jeune dedans et. Pétain Gary Oldman. Et sinon, il y a Nikita. Y a vraiment, en fait, je suis fan. Léon, tu parles de ce sous-driver. Bah oui. Non, attends. Quoi? Maintenant, il l'a fait après le film. Sur un compte. Il est bourré. Taxi driver, j'ai oublié le taxi. Avant. Non, ça a rien à voir. Ça se passe à New York. C'est un mec qui récupère une jeune fille et qui tue des gens. La même chose en nul. Voilà. En plus, c'est tourné à Saint-Denis, c'est pas tourné mais c'est à New York. C'est un projet. Non, mais en fait, à la base, il devait faire, Taxi Driver à la base. Mais ça a rien à voir avec Taxi Driver, les gars. Mais à la base, c'était son scénario. C'est la même chose. Mais si on devrait comparer tous les films qui se passent à New York, la moitié des films américains, c'est tous les mêmes. Non, mais il récupère des bons films et il en fait des baissonneries, je sais pas comment dire autrement. Léon, c'est trop bien. Ouais, chacun ses goûts, mais se référer aux deux heures de perdu sur Léon, voilà. Salaud. Mais sinon, on a parlé des effets spéciaux, comment est fait le film? C'est à Saint-Denis, c'est donc dans la cité du cinéma, toute nouvelle, toute flambant neuve. Ouais. Comment ils le font, du coup? Alors... Professeur Bill K. Et oui, Jamy, parce que oui, alors en majorité, ils ont tourné sur fond bleu, tout simplement. Fond bleu, c'est pas des fonds verts? Non, fond bleu. Tu peux faire n'importe. Oui, n'importe lequel. En fait, le fond bleu. En fait, quand tu fais un effet spécial, juste rajouter le fond vert suffit largement. Mm-hmm. Parce que le bleu, en fait, pour faire des effets spéciaux, il faut utiliser une des trois couleurs primaires, bleu, vert ou rouge. Mm-hmm. Le bleu et rouge, c'est des teintes qui sont tout le temps sur là. Du coup, c'est quand tu fais un fond bleu ou un fond rouge, c'est faut vraiment faire une belle étalonnage derrière, c'est compliqué. Le fond vert est plus simple. Mais en fait, il a choisi le fond bleu, c'est pour vraiment maîtriser tous les détails de l'étalonnage et de la post-production derrière. Ce qui est plus dur, plus long, plus compliqué et qui coûte plus d'argent. Mais il s'est dit, je m'en fous. Mais au final, le résultat est meilleur, quoi, c'est ça. C'est ça. Et ce sont des boîtes néo-zélandaises qui font les effets spéciaux. Ce sont les boîtes qui font les effets spéciaux de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux. Thrones. Voilà. En fait, la meilleure boîte d'effets spéciaux au monde, tout simplement. Il y a aussi une chose que je voudrais dire aussi, c'est que, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas Luc Besson. Peut-être que ce film sera bien, peut-être que ce film ne sera pas bien. Mais si vous aimez le cinéma... Et si vous êtes français, prenez vos fourches et allez détruire la Et si vous aimez le cinéma français, il faut aller voir ce film. Pourquoi? Parce que ce film, c'est un film de Luc Besson. Lui, il fait des films à l'international, des films qui peuvent s'exporter, contrairement à la majorité des Français. Du coup, la langue originale de ce film est en anglais, comme beaucoup de ses films. Mais le film est français. Du coup, comme il est de nationalité française, normalement, il aurait dû avoir un crédit d'impôt que le CNC lui accorde et plein d'aides. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes, le film n'est pas en français, plus de la moitié de l'argent, il est dépensé en dehors de la France. Mais oui, parce que la meilleure boîte au monde qui fait les effets spéciaux, c'est pas les Français. Et les acteurs ne sont pas français, donc évidemment, c'est normal. En fait, ce film a soulevé beaucoup de problèmes, beaucoup de dysfonctionnements et d'organisations que le ministère de la Culture et le CNC ont, en fait, avec le financement des films et la possibilité à nos films, les films de l'Hexagone, de s'exporter à l'international. Du coup, c'est important de soutenir les films comme ça. Je dis pas ça parce que j'aime Luc Besson, mais les films français, si vous voulez que nos films restent en France, ne soutenez pas. Mais si vous voulez que le cinéma français s'exporte, se vende, et on fait tellement des bons films en France qui s'exportent dans le monde, il faut soutenir ce film. Merci. T'es en train de nous... Bravo! Merci. Bon discours. Merci, bravo. La France, liberté, égalité, fraternité, putain! Et Besson. Ouais, mais t'es en train de nous dire que le CNC préfère donner de l'argent à des films de comédie française plutôt que des films de SF Arès qui est sorti? Arès est un très bon film. Putain, qu'est-ce qu'il est bien. Non, en fait, le CNC, en fait, il a plusieurs critères pour donner du fric. Alors, les auteurs, réalisateurs, scénaristes sont français, t'as du fric. Si le compositeur, il fait des musiques originales, tu as du fric. S'il est en langue française, tu as du fric. Si la majorité du pognon est utilisé en France, t'as du fric. Si t'es utilisé en français, il y a plein de critères. Mais si tu es un film 100% anglais, fait en anglais, production anglaise, mais qui vient tourner en France, mais là, t'as du fric de ouf. Tu vois, t'as limite plus de fric que si t'étais français. Du coup, si tu es français... qui fait un film de nationalité française avec des acteurs et un casting international, international. Tout sauf français, que la langue n'est pas en français, là, tu es dans entre deux. Tu es entre deux et t'as pas autant de fric que ça. Du coup, le film est français, il a le pouvoir et la potentialité de se vendre à l'étranger, mais Bah, peut-être qu'il se fera pas parce qu'il a pas beaucoup d'aide. Et c'est dommage, quoi. Je veux dire. Quand même, il a un budget. Oui, de non, mais 170 millions. Pardon, il a un budget de 197 millions. Ah ouais, oui. T'as d'autres anecdotes de tournage comme ça de... Bah écoute, il a, oui, le budget 197 millions, c'est le film français le plus coûteux de l'histoire. Et bah après, il faut mettre après, les moyens, merde. Après Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Ouais, mais ça, c'est une honte. La moitié du budget passe pour les 5 minutes de fin, où il y a tous les caméos de tous les acteurs super. Ce que j'avais demandé, c'est 197 millions, tu viens de dire, ouais. Okay. Et combien revient aux deux acteurs principaux? Parce qu'il faut savoir ça, aussi je... que généralement, je sais pas, ils se font un cachet pas mal. Hein. Ah oui, cachet. Oui. Ils se font un cachet, tu vois, de 1 million, 2 millions, enfin voilà. Tous les acteurs, en plus, il a rajouté des caméos, enfin, je sais pas si c'est des caméos, mais des célébrités qu'il a rajouté. Il y a Rihanna, il y a un acteur sino-canadien qui fait une apparition, mais rien que pour sa petite apparition, il va se prendre un bon paquet. Il y a Alain Chabat qui joue dedans, il y a Xavier Giannoli qui sont des Français, tous les deux, la France, qui sont dedans, qui se prend des petits cachets, donc ça fait plaisir. Et Luc Besson aussi, lui-même, se paye bien parce qu'il est, scénariste, producteur, réalisateur, dialoguiste, et sa femme aussi, elle est productrice dedans. Le mec, il a 6 salaires, quoi. Xavier Dolan. Le gars, il fait tout, c'est la même. Bah, n'en parlons pas. Alors là, je filme avec son portable. Voilà. Boum. J'interdis de critiquer Xavier Dolan, lui, non, le mais mec. Oui, mais il est bien, ce mec. Mais là, il y a 115 jours de tournage qui a été prévu à la base. Ouais. Ils s'y sont tenus? Le film n'est pas encore sorti. Mais... Ils s'y sont tenus. Il a fallu refaire quelques plans des retakes qu'ils ont fait. Du coup, il y a quelques jours en plus qui ont fait. Mais ils sont tenus. Ça allait très très bien. Et on a prouvé que ces nouveaux studios français, le nouvel Hollywood français, marchaient. Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'était du cinéma. C'était leur à part Lucie. Mais bon, Lucie, c'est un film qui se fait en live. Là, c'était quelque chose de numérique avec beaucoup de moyens et tout, et ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Et du coup, ce sera un peu un pari, un coup de poker pour l'évolution de l'industrie du cinéma à Paris, à Saint-Denis, où il y a quand même beaucoup de studios. C'est une évolution. Alors attention, en région parisienne, il y a beaucoup de studios, mais... C'est beaucoup à la télé. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que si ce film échoue, ça aura vraiment une influence sur le cinéma français dans les quelques années à venir, ou si au contraire il réussit, ça poussera, j'espère, d'autres réalisateurs à faire de la science-fiction. Ouais. S'il réussit, je suis convaincu que ça va aider le cinéma français. Son échec, je ne sais pas. Mais je reviens aussi sur le tournage. Comment dire, 197 millions le budget. Ça a aidé pas mal de Français à trouver du travail. Mais, on en revient à ce problème d'aide de financement du CNC, au début on lui a dit non. Et il s'est dit, bon, bah, je vais le faire en Hongrie, c'est moins cher. Mais si tu veux le faire en Hongrie, Luc, là, c'est de l'argent perdu pour la France. Du coup, quitte à ce qu'il n'ait pas eu ses aides, Luc Besson, il a tenu à le faire en France. Pour aider les intermittents du spectacle. Pour oh, mec, il est gentil. Non, mais c'est vrai. Non, mais il est vraiment gentil. Bah, il a parce vraiment que... bien fait, quoi. Mais parce que si tout le monde dit c'est qu'un connard qui pense qu'au fric, il pensait qu'au fric, il l'aurait fait en Hongrie, son film. Hein. Là-bas, les studios et les techniciens, ça coûte rien du tout. Et ils sont pas protégés par des... Enfin, ils sont pas autant protégés que nous en France, quoi. Genre, les heures sup sont payées en plus là-bas. Non, je te paye à la journée pour faire ça. Même si ça va prendre 10 heures de plus, on va le faire. Mmh. Alors qu'en France, tu dépasses un tout petit peu. Ouais, mais faut revoir mon contrat, machin et tout. Mais EuropaCorp, donc la société de production de Besson, produit aussi des films américains. Non. Produit que des films français. Non, que des films français. Ils font des coproductions à l'américaine où ils rajoutent un peu de capital, mais EuropaCorp France fait que des films français, avec des acteurs français, que machin. Et EuropaCorp tout court englobe tout. Et non, c'est pratiquement que des films français. Bah, tu vas pas me dire que le dernier Taken, genre, c'est un film français. C'est vraiment. C'est un film français. Mais Luc Besson, on aime ou on n'aime pas, mais et même ceux qui s'aiment pas, il faut reconnaître que il a réussi aux States. Il aurait pu rester aux States et faire son petit bonhomme de chemin, il s'en fout. Mais il a envie de valoriser la France. Voilà, faut lui reconnaître ça. Ouais. sur ce, eh bien, allez voir des films de Luc Besson et regardez la science-fiction française qui est ultra riche et qui est malheureusement pas très très connue. Et on vous fait des énormes gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Je suis le commandant Shepard et cette fin est ma préférée de la citadelle. Je reviendrai.